En Corée, rien que pendant une dizaine de jours du mois de mars, plus de 18 000 militaires de l'armée populaire, travailleurs de différents milieux et jeunes et enfants ont visité le musée de Sincheon. Ils sont exposés des photos et des pièces à conviction dénonçant la brutalité et la cruauté des impérialistes américains et des ennemis de classe qui ont tué atrocement plus de 35 000 habitants innocents de Sincheon lors du repli temporaire stratégique pendant la dernière guerre de libération de la patrie.